Bien, ben nous allons reprendre. Je passe la parole à Jean-Luc Thomas et Pascal Simonet, qui vont nous présenter une communication intitulée « Affecter l'activité de l'autre pour développer le métier en soi », une perspective en clinique de l'activité. Et comme ils sont deux, ils auront droit non pas à 35 minutes, mais à 40 minutes, d'après les organisateurs. Bien, écoutez, tout d'abord, nous tenons mon collègue Pascal Simonet et moi-même remercier les organisateurs de ce colloque, les remercier d'avoir organisé, voire pris le risque d'organiser une discussion entre disciplines sur un objet aussi complexe. De notre côté, nous allons tenter de contribuer au débat à partir de notre position. J'insiste évidemment là-dessus, enfin je vais insister un petit peu là-dessus. Nous sommes psychologues du travail et c'est à ce titre que nous interviendrons. Et par ailleurs, c'est aussi inscrit sur la diapositive qu'il y a derrière moi, derrière nous. Par ailleurs, nous appartenons tous les deux à la même équipe, l'équipe clinique de l'activité, qui est elle-même insérée dans un laboratoire qui est le Centre de recherche sur le travail et le développement du CNAM, du Conservatoire national des arts et métiers. Du coup, notre communication s'inscrit dans le travail de cette équipe de recherche et elle va tenter, à sa manière, notre communication, d'éclairer certains des ressorts intersubjectifs, on en a parlé ce matin, qui s'établissent lorsque deux professionnels, sont placés en situation de controverse sur des objets de leur travail quotidien. Je disais tout à l'heure que l'empathie s'avère complexe, nous allons donc avancer avec prudence, évidemment, et nous allons simplement, si j'ose dire, focaliser notre attention sur une séquence assez courte, 2 minutes, durant laquelle 2 professionnels agissent l'un sur l'autre, en tentant d'appréhender simultanément le point de vue de l'autre. Pour le dire dès maintenant, cette situation toute particulière est directement provoquée par le clinicien. Et d'ailleurs, nous verrons aussi quelle fonction celui-ci assure-t-il dans le développement de l'activité conversationnelle des professionnels en question. Mais je voudrais, pour bien nous faire comprendre, présenter ce que nous pouvons appeler l'objet, ce que nous avons appelé l'objet de notre communication. En définitive, nous n'allons pas directement discuter de l'empathie, mais plutôt de la capacité d'un sujet dans un cadre donné à affecter l'activité de l'autre et de la capacité à se laisser affecter par l'activité de l'autre. En effet, si nous partons de la définition classique, d'une des définitions de l'empathie, celle-ci est le plus souvent définie comme la capacité à se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses sentiments, ses émotions, autrement dit, afin de comprendre ce que cet autre éprouve. L'empathie est donc intimement liée à la possibilité d'interpréter les émotions d'autrui en modifiant sa propre perspective. Pour aller un peu plus loin, on peut dire que l'empathie nous semble être associée à la possibilité de se laisser affecter par l'autre et éventuellement aussi d'agir sur l'autre. Mais plus encore, la capacité d'affecter et d'être affecté ne s'affranchit pas de ce que certains auteurs disent au sujet de l'empathie. Je voudrais m'arrêter maintenant sur le chapitre de Bachou-Lévy et Degos de 2004 paru dans le livre dirigé par Berthoz et Jourlan. Dans leur texte, ces auteurs insistent sur un point qui me semble essentiel, ou qui nous semble essentiel. L'empathie repose sur la capacité à construire une relation triangulaire entre soi et autrui par la médiation d'un objet. Autrement dit, pas d'empathie sans référentiel égocentré, mais aussi sans possibilité de se décentrer. Et enfin, c'est là un des essentiels, sans la médiation d'un objet. Selon ces auteurs, l'empathie renvoie toujours à un sujet, à autrui et à un objet. Une précision s'impose, que je rajoute, par rapport au travail de ces deux auteurs. Je pense que cette relation triadique ne relie deux pôles que par l'intermédiaire du troisième. Relation triadique reliée essentiellement, de manière irréductible, par l'intermédiaire du troisième pôle. C'est toujours par référence au troisième pôle que des liens s'établissent. Pour notre communication, cette interaction reliée par un objet est très importante. En effet, dans le cadre des confrontations que nous organisons entre professionnels sur leur travail, nous les plaçons, ces professionnels, en situation de discussion sur des traces de leur activité. professionnels. Traces à partir desquelles nous tentons avec eux de travailler sur des questions vives de leur métier. Pour le dire autrement, nous tentons de provoquer des controverses professionnelles sur des objets précis de leur travail. Nous retrouvons là, il me semble, ce que je viens de citer, c'est-à-dire une relation triadique entre un sujet, autrui, et un objet. Mais l'expérience clinique que nous avons nous conduit à apprécier encore autrement les conditions du déploiement de la capacité à affecter l'activité de l'autre et à être affecté. Nous sommes à chaque fois étonnés, si je le dis comme ça, par la présence d'un troisième terme qui se situe, si on peut dire avec Bakhtine, au-dessus des participants du dialogue, au-dessus des participants de la controverse professionnelle. Lorsque ces professionnels s'engagent avec nous à analyser leur travail, lorsqu'ils s'exposent en entier, corps compris, à la controverse sur des objets précis de leur travail, ils sollicitent dans leur activité conversationnelle une instance qui les relie et les sépare en même temps, qui agit avec eux, parfois contre eux, mais aussi au-delà d'eux. Bref, une instance qu'ils instrumentalisent pour affecter l'activité de l'autre ou pour se laisser affecter par l'activité de l'autre. À regarder de près les dialogues réalisés dans le cours de controverses professionnelles, l'activité conversationnelle des sujets s'appuie ou patine sur un troisième terme, c'est-à-dire, si on cherche à le définir, ce troisième terme, sur le métier, en tant que destinataire transpersonnel, en tant qu'histoire collective, sédimentée et appropriée individuellement. Dans le cours des controverses, cette histoire devient l'un des ressorts subjectifs permettant aux professionnels de saisir le point de vue de leurs collègues, mais aussi leur permettant de soutenir leur propre point de vue contre le point de vue de l'autre pour s'y appuyer ou pour s'y opposer avec pour horizon le travail bien fait. C'est ce que nous allons tenter de montrer maintenant. Pour cela, je vais dans un premier temps présenter à gros traits les trois étapes méthodologiques qui sont celles utilisées en clinique de l'activité, mais la largeur du trait devrait être compensée, je vais tenter en tout cas, par une tentative de regarder de près ces ressorts subjectifs à l'œuvre durant les étapes qui seront alors envisagées comme des sortes de paliers. Ensuite, nous vous proposerons un extrait d'une autoconfrontation croisée, c'est-à-dire une séquence où deux professionnels d'un même métier regardent les images enregistrées de leur propre activité afin de les commenter, séquence durant laquelle les processus que nous souhaitons mettre au travail offrent, il nous semble en tout cas, une certaine visibilité. Enfin, nous essaierons de terminer en discutant des portées cliniques et théoriques de ce troisième terme du processus dynamique de la capacité à affecter et à être affecté, et cela au regard de l'empathie. La méthodologie vise, en clinique de l'activité, vise avant tout à créer un cadre permettant le développement de l'expérience professionnelle. Expérience professionnelle d'un collectif de professionnels d'un même métier engagés dans un travail de co-analyse de leur activité. On peut y distinguer, à gros traits, je l'ai rappelé, une première étape d'observation. Une seconde étape durant laquelle les sujets sont confrontés individuellement à des images enregistrées de leur activité. Le professionnel commente alors son activité au clinicien. C'est ce que nous appelons dans notre jargon une autoconfrontation simple. Une troisième étape qui réunit deux professionnels confrontés respectivement à l'activité enregistrée de l'autre. Les professionnels s'engagent alors dans des dialogues sur le travail de leurs collègues, débouchant parfois sur des controverses. Controverse sur les différentes manières de faire, de dire, de prendre les choses. Si on s'arrête maintenant un instant sur l'observation, un élément quand même très important, c'est que cette observation dure, ça dépend évidemment de la durée de l'intervention ou de la recherche, mais en tout cas, elle dure, pour le dire à la manière de Fernand Reynaud, un certain temps. Un temps certain, c'est-à-dire au minimum 2, 3, 4 mois. C'est-à-dire c'est un temps long. Et si, En tant que psychologue, on peut aussi évidemment rapatrier, en tout cas dans la tradition qui est la nôtre, Henri Vallon. On sait depuis Henri Vallon en tout cas, qu'elle crée l'observation de l'activité chez le sujet observé, que l'observation entame une sorte de mouvement chez le professionnel. Elle provoque, dans le meilleur des cas, une observation de celui-ci, une auto-observation de celui-ci. L'observation provoque chez l'observé de l'auto-observation. Le professionnel se regarde travailler avec les yeux de l'observateur, ou plutôt avec les yeux qu'il lui prête. L'activité de l'observateur affecte l'activité du professionnel et lui fournit l'occasion d'un déplacement de perspective. Il y a donc ici, de mon point de vue, le passage d'une étape. Le clinicien provoque de l'observation chez les professionnels, autrement dit, le clinicien convoque la capacité que les professionnels ont à se mettre à la place de l'observateur pour se regarder, travailler avec une autre perspective, si minime soit-elle. Ce sont ces mouvements que l'autoconfrontation simple, dans la deuxième étape, va tenter de convoquer, de développer. Le professionnel va pouvoir reprendre le dialogue intérieur entamé lors des observations pour l'extérioriser, c'est-à-dire le réaliser autrement. La fabrication d'un autre contexte, l'autoconfrontation simple, lui donne l'occasion à ce professionnel, ou leur donne l'occasion à ces professionnels, de revenir sur les objets de leur travail, de commenter ce qu'ils font, ce qu'ils auraient pu faire mieux. Le professionnel, dans le cadre d'une autoconfrontation simple, le professionnel va tenter d'amener son interlocuteur, le clinicien, à penser, à sentir et à agir selon sa perspective à lui. Mais devant les difficultés qu'il va devoir affronter, difficultés à faire comprendre et à se faire comprendre, le professionnel peut se retrouver désemparé, ne trouvant plus alors en lui les mots pour le dire. Dans ce cas, le professionnel va alors chercher dans les mots du clinicien de quoi agir pour poursuivre l'explication et aussi pour agir sur lui, sur le clinicien. Il me semble que dans le cadre méthodologique construit ici un nouveau palier. En cherchant dans les mots de l'autre, voire dans les mimiques et dans les expressions de l'autre, dans le corps de l'autre, de quoi agir sur lui, l'autoconfrontation simple place le professionnel non seulement en situation d'être affecté par l'activité du clinicien, mais surtout de tenter de l'affecter, sans évidemment laisser son activité à lui, professionnel, en l'état. Enfin, l'autoconfrontation croisée provoque ce que je peux appeler un troisième palier, en réunissant deux professionnels en même temps. Le clinicien construit un nouveau contexte d'analyse de l'activité qui leur permet de s'engager dans des controverses sur les différentes manières de faire, les différentes manières de s'y prendre, les différentes manières de dire dans le métier, dans leur travail, au quotidien. Ce faisant, les professionnels cherchent moins à expliquer alors ce qu'ils font qu'à s'expliquer avec leur métier. Dans le cadre d'une autoconfrontation croisée, les professionnels cherchent moins à expliquer et à se faire comprendre du clinicien qu'à s'expliquer entre eux avec le métier, comme point d'horizon, ou alors directement avec leur métier. C'est maintenant avec le métier qu'ils tentent de s'expliquer en le convoquant, en se le réappropriant dans le cadre des controverses professionnelles, en le cherchant et en éprouvant parfois, évidemment, son délitement. Les professionnels cherchent alors à affecter l'autre en cherchant non seulement dans l'autre de quoi agir sur lui, mais aussi dans le métier, de quoi argumenter et contre-argumenter. Mais pour que ces mouvements puissent se réaliser, il faut simultanément que les professionnels soient disponibles, qu'ils puissent être affectés par les perspectives et les manières de faire de l'autre. Finalement, sans le métier comme troisième terme des controverses professionnelles, le développement des paliers qui permet d'affecter l'autre et de se laisser affecter par l'autre serait bloqué par une relation qui ne serait qu'impersonnelle. Elle ne pourrait pas s'appuyer sur l'histoire collective, c'est-à-dire sur le collectif que l'on porte en soi, que l'on a en soi, le collectif en soi, comme destinataire contenant de la controverse professionnelle. Bien, avant de poursuivre, d'abord je voudrais présenter nos excuses pour les quelques coquilles orthographiques que nous avons laissé passer sur la seconde diapositive. Certains ont dû le remarquer. Voilà. D'autre part, voilà, enfin, nous n'avons pas pu l'un et l'autre participer à la première journée, et du coup, nous débarquons un petit peu dans ce colloque, mais même si on a lu hein, les résumés. Donc, y a une double lourde tâche qui nous incombe, à la fois un univers qui est celui de la psychologie du travail, enfin, qui est en particulier la clinique du travail. Une clinique du travail, et dans cette clinique du travail, on distingue une clinique de l'activité, c'est dans cette perspective que nous travaillons. Et vous en entendrez une seconde avec Pascal Molinier en psychodynamique du travail en début d'après-midi. Donc je voulais resituer un peu. Alors, pour ma part, pour faire suite à la présentation de Jean-Luc Thomas, j'ai la lourde tâche cette fois-ci de vous faire partager sur quelques minutes quelques dilemmes de métier qui préoccupent des fossoyeurs. Alors, on va tenter de le faire en quelques minutes. Voilà. Alors, l'objectif, c'est de vous présenter comment nous pensons que l'histoire collective dont Jean-Luc Thomas parlait se réalise dans une séquence d'auto-confrontation croisée. Donc, qui est la méthode que nous utilisons, que nous privilégions en clinique de l'activité. Mais avant de montrer cet extrait, il faut que je vous dise un mot du contexte dans lequel ces professionnels ont développé leur dialogue sur le métier. Les deux professionnels que vous allez entendre et voir travaillent comme fossoyeurs dans les cimetières parisiens. Ils ont accepté de participer à l'analyse de leur activité dans le cadre d'une intervention initiée par leur médecin du travail qui s'est inquiété de la montée des cas de troubles musculo-squelettiques, TMS, dans ce corps de métier. Voilà pour le contexte général et rapide. Si maintenant je dois préciser les contours de ce que vous allez voir, il me faut quand même rajouter deux ou trois précisions. Alors, le premier point, parmi les tâches qui incombent aux fossoyeurs encore aujourd'hui, il y a celle qui consiste à démolir des pierres tombales à l'aide d'une masse. Deuxième point, la question de la prévention durable des troubles musculo-squelettiques est étroitement lié à la question des possibilités de développement des gestes professionnels à partir de l'examen des différentes manières de faire son métier. Et c'est ce dont il va s'agir entre ces deux professionnels dans la séquence que vous allez voir. Troisième précision à apporter, les deux fossoyeurs ont la même ancienneté, ils ont environ 8 ans de fossoyage et ont l'habitude de travailler ensemble. D'autre part, dans cet extrait, avant cet extrait, il y a eu des étapes précédentes d'analyse de l'activité, c'est-à-dire qu'ils ont déjà eu l'occasion de s'engager dans une controverse professionnelle. En effet, ces deux fossoyeurs ont comparé leurs manières respectives de concevoir la frappe à la masse d'une pierre tombale. L'un est plutôt pour frapper avec les coins de la masse, et on dit dans le métier qu'il est plutôt frappant biais. Alors que l'autre, son collègue, pratique davantage une frappe avec le plat de la masse. On dit qu'il est plutôt de l'école de la frappe à plat. Dans les images que vous ne verrez pas, mais qui précèdent celles que vous allez voir, les différentes manières de concevoir la frappe va les conduire à réexaminer les critères de choix pour une frappe plutôt que pour une autre. On peut voir chacun d'eux revenir sur des séquences précises du film vidéo en opérant assez systématiquement des retours et des arrêts sur image. Ils vont également mobiliser la fonction du ralenti sur image pour voir et revoir comment la masse tombe sur la pierre tombale, plus ou moins à plat, plus ou moins en biais. Chacun parvient ainsi à pousser l'activité de l'autre dans ses retranchements, en réussissant parfois à le confronter au décalage entre ce qu'il dit, et notamment de la frappe de son collègue, et ce que les images montrent. Du coup, chacun parvient ainsi à dérouter l'autre, à le contredire, et à l'étonner, mais aussi à s'étonner soi-même, car c'est bien le développement de l'activité propre, pour parler à la manière de Stossgeyès, qui se joue aussi dans cette interaction entre les deux fossoyeurs. Comme les gestes de métier appartiennent au registre de l'intime et des émotions, on peut voir les rires, les sourires gênés, vous en verrez un certain nombre, les changements de tonalité dans la voix, les silences, les pâleurs ou les rougeurs sur le visage, les emportements soudains, les ruptures d'humeur, les attitudes devant les images et ce qu'en dit le collègue, comme autant de marqueurs de ces dissonances qui se vivent en chacun au cours de la controverse avec l'autre. Et la fonction de ces dissonances est d'ouvrir son activité réalisée sur une zone de développement potentiel de nouvelles réalisations, car si l'on suit Henri Vallon, qu'a déjà mobilisé Jean-Luc Thomas, les dissonances stimulent toujours davantage la pensée que les ressemblances. Et enfin, une dernière précision, et ensuite, c'est promis, vous avez les 2 minutes du film qu'on vous a promis. Dans cette séquence, les images que regardent les fossoyeurs montrent chacun d'eux en train de s'essayer à la manière de frapper de l'autre. C'est la confrontation des deux fossoyeurs à ces images où chacun s'était proposé, lors du tournage, de frapper comme le fait habituellement son collègue. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, le son, on compte sur la qualité des micros pour que le son vous permette de suivre ce qui se passe entre eux. Mais le micro est coincé là. Ah, c'est normal. Merde. Voilà. Déjà, jamais tu ne peux ramener le micro en coup comme ça. Jamais. Jamais. Mais là, déjà, il prend beaucoup trop. Là. Il met ma manière, il prend beaucoup trop. Pourquoi c'est pas ma manière? Non. Si, c'est sa manière. C'est la manière de frapper, mais avec une puissance de frapper. Je ne peux pas frapper moins fort. Je ne lâche pas moins fort. Voilà, je ne peux pas la chatouiller. Ah non, le grand, hein. La chatouiller même pas. C'est même pas une caresse. Il a posé. Il était plus proche de la pierre. De ça, moi, il tourne la pierre, forcément. C'est un peu loin, non? Voilà, non, vraiment, mais. À des kilomètres. À des kilomètres. Mais je ne sais plus comment il fait par rapport à sa manière, dans son truc. C'est lui. Peut-être aussi à des kilomètres. Je fais des kilomètres, mais... parce que je ne vois pas des recueils à la philosophie. Lui, il a une philosophie opposée. C'est-à-dire qu'il éloigne encore de la pierre. Alors, mais dans sa façon de vouloir la décrire, la pierre. Moi, je ne vois plus le capté du cœur sur la pierre. Je me souviens. Je vois que sur le pierre tombale, je vois bien sur le tombale. Sur la tombale, c'est plus, hein. Ouais, sur le début de la tombale, sur ce qu'elle fait. Voilà, sur ça. Ça a pris, quoi. Voilà. De toute façon, déjà, les anciens ne dorment pas bien comme ça, déjà. Alors, on va me coucher comme ça, la pierre. Ah bon? Non. Ça ne se couche pas comme ça, une pierre? Non. Déjà, la rentrée, il est couché comme ça, il est venu. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est trop loin déjà. Mais oui, c'est quand je suis parti en n'importe où. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas ici de rentrer dans une analyse exhaustive hein, de ce qu'on pourrait faire de cette séquence du point de vue de l'analyse clinique de l'activité, mais je voudrais pointer trois moments de cet échange. Premier moment. Bon, l'avantage que j'ai, c'est que je l'ai passé plusieurs fois. Enfin, je connais bien le film, donc je suis désolé. C'est un peu la limite de l'exercice. Donc, mais si on a le temps, on pourra le repasser. Je ne sais pas le temps qu'il nous reste. Premier moment de l'échange, que j'ai intitulé comme ça, reconnaître son geste dans le geste de l'autre. Car n'oublions pas que l'exercice un peu impossible auquel ils se sont livrés, c'était de... parce qu'ils avaient une histoire dans leur discussion, dans leur controverse professionnelle, d'essayer de mieux comprendre et de mieux voir ce que fait l'autre en s'essayant soi-même au geste du collègue. Alors, l'un d'eux ne reconnaît pas ce qu'il fait quand il voit son collègue tenter de frapper la pierre comme lui. Ça commence comme ça. Hein. Il ne se reconnaît pas dans la frappe exécutée par son collègue qui est censé l'imiter. Une tension apparaît, une phrase qui dit « Il met ma manière, mais il frappe beaucoup trop fort. » Et le seul argument avancé est celui de la puissance qui, dit-il, est 2-3 fois trop forte. Quand le fossoyeur observe l'activité enregistrée de son collègue, son analyse est la suivante, si je ramasse un peu les choses. Il s'agit bien de son geste dans la manière de faire porter les coups de la masse en biais sur la pierre tombale, si on examine son geste sous cet angle, mais ce n'est plus son geste si on examine sa frappe sous l'angle de l'engagement du corps dans la démolition. Autrement dit, il s'y retrouve sans se reconnaître en totalité. Son collègue, l'imitateur supposé, résiste à l'idée qu'il n'est pas parvenu à exécuter le même geste de son collègue. Cet écart d'appréciation entre eux va ouvrir leur échange sur ce que l'un des deux nomme la philosophie de la frappe, avec en contrepoint la référence à la frappe d'un ancien qu'ils ont connu, qui est parti à la retraite, qu'ils ont connu l'un et l'autre quand ils étaient encore stagiaires, le grand Alain. Deuxième moment de cet échange, que j'ai appelé « Le corps n'y est pas car la philosophie du geste n'y est pas ». La frappe, dans un second mouvement, va se discuter moins sur le versant de la technique la plus appropriée à mobiliser dans telle ou telle circonstance que sur le versant de la philosophie de la frappe. Non pas comme à l'étape précédente sur les critères de choix d'une frappe, mais plutôt, cette fois-ci, sur l'engagement du corps dans le mouvement de la frappe. Car la frappe qui cherche à chatouiller la pierre, pour reprendre l'expression, n'est pas la frappe qui cherche à la détruire. Du coup, casser la pierre en s'appliquant à laisser tomber la masse en biais ne permet pas au fossoyeur imitateur de rentrer vraiment dans le mouvement de son collègue imité, qui cherche à casser la pierre comme l'ancien, c'est-à-dire en la chatouillant, et précise-t-il, comme une caresse. Le fossoyeur ne se reconnaît donc pas dans ce que son collègue fait de sa frappe. D'une certaine manière, le corps n'y est pas. Et à partir de là, la frappe de l'ancien va être mobilisée autrement qu'une référence un peu lointaine. Le nouveau cours pris par leur controverse va transformer cette référence en un véritable geste référent dans l'activité de chacun. Chacun va s'y confronter concrètement à partir de ce que l'autre tente d'en faire dans l'activité pratique, comme dans l'argumentation qu'il oppose à son collègue. Et du coup, chacun peut revisiter son rapport à la masse, plus ou moins près du corps, sa distance entre le corps et la pierre, sa puissance d'engagement, ou encore réexaminer la bonne manière d'installer la pierre avant de la casser. Troisième et dernier moment, et je finirai là-dessus, une controverse qui ouvre la coopération sur de nouvelles perspectives de réalisation. Ainsi, en se proposant de s'essayer à la manière de frapper de l'autre, c'est rejouer entre eux et en eux ce que chacun est parvenu à faire ou à ne pas faire de l'héritage de l'ancien, le grand Alain. Grâce à ce détour, ils finissent par un retour sur leur coopération en regardant ensemble et autrement la manière qu'ils ont eue d'installer la pierre tombale avant de la casser. En acceptant de s'essayer au geste de l'autre, ces deux fossoyeurs vont parvenir à réserver à cet héritage un nouveau sort dans l'activité de chacun, au contact de l'activité de l'autre, pour d'autres manières d'envisager l'activité à venir. La question de leur coopération à ce moment-là, de leur activité collective, se repose et se revisite à la lumière de ce nouveau dilemme de la bonne installation de la pierre. On peut dire que leur coopération s'ouvre alors sur de nouvelles possibilités d'action. Bien. À partir de ces deux... Enfin, ce que j'ai pu dire tout à l'heure en introduction et le travail que... la présentation de la controverse nourrie aussi par l'action du clinicien, je vais tenter en quelques secondes de dire un mot de conclusion. Il me semble, en tout cas, que nous avons tenté de montrer comment une clinique de l'activité pouvait instruire l'une des facettes, qu'il faut rester très prudent, de la question de l'empathie, dans la mesure où l'empathie n'est pas un concept ou une notion que nous utilisons familièrement. Hein. En tout cas, même, je peux le dire, en tout cas, personnellement, dans ma pratique de clinicien, c'est un terme que je n'utilise pas. Mais, du coup, c'était intéressant de travailler cette question parce que ça m'a permis, en tout cas, de voir l'empathie un peu autrement. Et du coup, si on considère l'empathie en milieu professionnel comme nous l'avons fait, c'est-à-dire comme la possibilité d'être affecté par autrui et comme la possibilité simultanée d'affecter l'activité d'autrui, l'une des formes les plus élaborées de l'empathie, l'une des formes les plus élaborées de l'empathie serait alors celle qui impliquerait le métier comme surdestinataire. Il y a là, de mon point de vue, un premier paradoxe, puisque le colloque s'intéresse évidemment au paradoxe de l'empathie. La forme la plus dense et la plus subtile de l'empathie, celle qui engagerait le sujet dans sa totalité d'être vivant, de vivant, avec l'ensemble de ses forces vitales, serait celle qui mobiliserait une histoire collective, voire des histoires collectives, qui le dépassent, qui lui préexistent, qui lui sont d'abord extérieures. Par analogie prudente, et pour poursuivre, il y aurait, comme l'indique Elisabeth Pachery dans un livre de Berthoz que j'ai déjà cité, des degrés d'empathie dont les plus élaborés relèveraient de la mobilisation d'histoires collectives appropriées par les sujets dans le cours de leur expérience de vivant. Autrement dit, comme une expérience à la fois la plus intime et dont la base est d'abord sociale. Cette forme d'empathie pourrait être regardée comme une arène de lutte entre des forces, comme je viens de le dire, centripètes et centrifuges, à partir desquelles le sujet poursuivrait le travail jamais achevé de conquête de soi, pour parler encore une fois comme Henri Vallon. Car simultanément, et nous venons de le voir grâce au fossoyeur, lorsque ce processus de développement des affects est réalisé, il peut, dans le meilleur des cas, provoquer le développement de ce que nous appelons le pouvoir d'agir des professionnels. Autrement dit, la forme supérieure de l'empathie, entre guillemets, si vous me permettez donc cette expression, serait toujours inachevée. Inachevée. Elle procéderait d'un processus de développement potentiel parallèle à celui du processus de développement de civilisation du réel. Et ce serait en soutenant et en secondant des professionnels dans ce travail difficile de reprise et de déprise, ce travail de liaison, de déliaison et de reliaison des autres que chacun porte en soi et de soi par les autres, que l'on peut imaginer, en tout cas c'est ce que je vous propose, l'une des voies de développement de la clinique en milieu professionnel, comme Pascal le rappelait tout à l'heure, qui va être à nouveau reprise, cette clinique du travail par Pascal Molinier, mais selon une autre voie. En tout cas, voilà, que l'on peut imaginer l'une des voies de développement de la clinique en milieu professionnel comme l'une des voies de développement de la santé des professionnels. Enfin, je terminerai sur un deuxième paradoxe. C'est que finalement, dans le travail du clinicien tel que vous avez pu le voir, le clinicien, dans une autoconfrontation croisée, finalement ne cherche pas tant à comprendre par empathie les professionnels qu'à les embêter. C'est parce que il mobilise une sorte de drôle d'empathie, le clinicien, qu'il arrive à pousser l'activité des fossoyeurs dans le retranchement. Autrement dit, c'est parce que cette drôle d'empathie consiste à embarrasser les sujets et leur activité que les professionnels sont alors amenés à convoquer le grand Alain, c'est-à-dire l'un des représentants de cette histoire collective qui, je pense, permet justement de construire cette forme d'empathie supérieure comme je viens de tenter de la présenter. Normalement, voilà, nous vous remercions pour votre attention. Bien, merci pour cet éclairage à la fois singulier et intéressant. Il vaut mieux taper à plat ou en vire. Ça dépend sur qui. On va voir. On va voir. Oui, Christian, la théorie. Juste une question un peu méthodologique, en fait, sur la nature de ces contrôles professionnels. En fait, est-ce que le fait de, comme vous montrez la séquence, de filmer des gens qui regardent déjà un film sur leur activité, où chacun interprète l'activité de l'autre, est-ce que ça ne produit pas d'artefacts, je veux dire, par expérience elle-même, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont filmés, ils savent qu'ils sont en situation où eux-mêmes regardent un film, etc. Donc est-ce que, selon vous, ça engendre des artefacts qui mettraient l'expérience un peu en biais par rapport à ce que serait une controverse professionnelle, qui serait simplement entre eux, sans témoin, ou plongés dans un milieu de travail où les choses seraient peut-être plus fluides? Donc comment vous voyez votre intervention, disons, dans le dispositif de la controverse? Oui, le dispositif est artefactuel, sans nul doute. C'est une première partie de la réponse, et la fonction que l'artefact joue, c'est la fonction de l'observation, c'est-à-dire que on est sur la position d'Henri Vallon quand il dit que l'observation crée l'activité chez le sujet observé, que du coup on n'est pas sur l'idée d'une observation neutre et neutralisante, mais que notre activité est une activité extérieure qui vise à déranger l'ordre établi d'une certaine manière. Et du coup, notre travail est de transformer l'artefact en instrument psychologique de développement de leur activité à l'étape suivante, c'est-à-dire l'exploitation du film pour les professionnels comme moyen de revisiter l'activité qu'ils réalisent ou qu'ils croient réaliser, parce que, et de produire un certain nombre d'étonnements, sur lesquels ils peuvent élaborer d'autres manières de penser leur rapport au travail. Comme on l'a vu, entre eux, pas qu'entre deux, dans l'histoire du métier, dans leur posture d'homme du métier, parce que se discutent entre eux aussi la qualité du ce que c'est que de faire un bon boulot, quoi. Juste un tout petit mot. C'est justement ce qu'on cherche à faire, qui est des artefacts, qui puissent être ensuite utilisés, instrumentés, instrumentalisés par les professionnels. C'est-à-dire que c'est justement sur ces biais-là que porte une partie de notre travail. On les construit pour que justement ensuite, ils puissent se retourner pour les sujets, voire parfois contre le, au-delà d'eux, comme j'ai pu le dire, pour que justement ça puisse être utilisé dans leur plein essor. Ces biais-là sont des véritables instruments de développement pour nous, à la fois de notre travail, mais aussi de développement de leur activité, de leur pouvoir d'agir. C'est-à-dire que c'est vraiment la base, quoi. C'est de provoquer, de convoquer de l'embarras, un dialogue intérieur qui se nourrit de pourquoi il m'observe, qu'est-ce qu'il fait, et du coup c'est là-dessus, c'est le substrat en définitive. Les biais donc, que vous évoquez sont presque le substrat essentiel de notre travail clinique. Voilà, c'est là-dessus qu'on travaille, quoi. D'accord. Mais là je l'invoquais juste de façon un peu comparative, mais c'était elliptique en fait ma question, parce que le vrai développement de la question aurait été, est-ce qu'en fait on peut faire la comparaison entre l'expérience que vous faites avec votre intervention effective et ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été là, si vous discutiez simplement entre eux, c'est-à-dire est-ce qu'on peut comparer les deux types de situations, qu'est-ce qui se serait passé de façon immanente s'ils avaient discuté simplement entre eux dans le cadre de leur pratique, sans témoin, si je puis dire. Alors c'est difficile à dire, non, parce que par définition, il faut quand même quelqu'un qui recueille la discussion même sans témoin, mais c'est toujours un peu paradoxal aussi. Mais est-ce qu'on peut mesurer une différence entre votre intervention? Est-ce que vous pourriez savoir tout ce qui serait passé si ils avaient discuté simplement entre eux à l'étape sans témoin? Je vais rajouter. J'ai tendance à dire que. D'ailleurs, je crois que c'était écrit, hein, que c'est une discussion extraordinaire sur un objet ordinaire. C'est-à-dire que. Dans un milieu de travail qui serait normal, entre guillemets, à la manière de Canguilhem, c'est-à-dire un milieu de travail qui permettrait le plein déploiement du pouvoir d'agir des professionnels, eh bien, ces discussions-là pourraient ne pas être des discussions extraordinaires. Elles pourraient être des discussions, au contraire, ordinaires, entre guillemets, et bien entendu, sur des objets de leur travail. Dans le milieu de travail d'aujourd'hui, on va dire ça comme ça, pour être très simple, hein, et pour trancher de manière un peu radicale le propos, ces discussions sont devenues extraordinaires. Parce que faire discuter des professionnels sur des détails de leur activité, les plus précis, hein, la frappe en biais, la frappe à plat, mais pas seulement avec des fossoyeurs, mais par exemple avec des chirurgiens sur comment on incise, des praticiens hospitaliers, des seniors, ce sont des discussions qui ne sont plus tenues, qui ne sont pas tenues. Donc du coup, c'est pour répondre un peu à votre question, ces discussions-là, ou avec des infirmières par exemple, où elles se rendent compte dans un travail d'autoconfrontation croisée, qu'elles ne discutent jamais de savoir quand est-ce que commence l'intervention. Est-ce que c'est la veille quand on prépare mentalement? Est-ce que c'est le moment où elles installent les instruments sur les tables d'opération, sur la table d'instrumentation, voilà. Donc parfois ce sont de véritables discussions extraordinaires au sens fort du terme, mais pas toujours, hein, évidemment. Oui, ça me faisait penser à ce que l'un des deux fossoyeurs avait fini par dire, il dit, mais tout ça, quand on a fait un peu le bilan de ce travail avec eux, au bout de, ça a duré 3 ans, il dit, mais tout ça, on sait tout ça, déjà, on savait tout ça, mais là, on en a parlé différemment. Et du coup, c'est ce qu'on... ils ont fait l'expérience de développement de leur dialogue professionnel dans un cadre dialogique oui, extraordinaire, au sens où l'étrangeté du cadre a rempli sa fonction, une fonction que nous on cherche à pour passer de l'artefact à l'instrument, justement. Et voilà. Ah. Pardon. Vous avez une question aussi? Parce que ça fait 3 questions. Ça fait beaucoup, peut-être, non? Si on veut. 4 questions, c'est encore plus. Mais qu'est-ce que je fais là? 5 questions? 6, 7 questions? Moi, j'ai pas noté votre question. Vous voulez s'y tomber? On attend quand même, c'est pour vous. Hein, moi je... Si, on a dit, ça bon. Très bien. Alors, la première, je crois, c'était. Moi, c'est 2 petites questions. On va peut-être les regrouper. Hein. Ouais. Vas-y. Oui. La première, c'est comme je ne connais pas du tout la clinique de l'activité, je trouve que c'est passionnant ce que vous faites. Du coup, je n'ai pas compris le lien entre le fait que votre travail était, d'après ce que je comprends, diligenté par. Enfin, au départ, c'était. Sur l'étude de certaines pathologies. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Vous avez initié cette enquête sur le problème de départ, c'était l'identification de certaines pathologies liées au métier de fossoyeur. Du coup, en fait, comment intervient ce travail clinique où les fossoyeurs sont confrontés à une réflexion sur leur activité avec, après, ensuite. Pour reprendre, comment intervient la notion de pathologique dans tout ça? Et deuxième toute petite question, quand dit ça. Quand l'intervention du troisième terme, donc le métier, qui est, si j'ai bien compris, un terme de trauma individuel, est-ce que en fait, est-ce que ça intervient? Alors ça, c'est une question plus théorique, comme une institution. Sur un modèle d'institution, c'est-à-dire en fait, un ensemble de règles et de normes qui peuvent évoluer et qui sont plus ou moins tacitement intériorisées par les acteurs, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt une espèce de monde de signification plus fixe du tout. C'est juste. Des petites questions. Juste des petites questions. Bon. Bon, si j'ai bien compris dans la conclusion, vous estimez que vous avez identifié 2 formes d'empathie, donc ce que vous avez appelé la drôle d'empathie, où en tant qu'initiateur vous faites preuve vis-à-vis donc, du travailleur, et puis les formes d'empathie qui circulent entre les travailleurs. Moi j'avais l'impression au début de votre présentation qu'il y en avait une troisième, et je voulais savoir pourquoi est-ce qu'en fait vous n'appelez pas ça comme ça. C'est-à-dire que vous avez parlé à un moment donné de la faculté ou de l'exercice du travailleur pour se mettre à la place du clinicien, de ce qu'il attend et comprend. Alors je veux savoir pourquoi est-ce que d'après vous là c'est pas de l'empathie, parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de personnage du spectateur impartial qui surgit là et puis on ne se fait rien. Patricia, vous n'avez pas demandé la parole, si? Non, non, c'est pour faire mon message. D'accord. Il y avait, oui, je sais, une question, mais puisque je suis à droite, après je vais le... du chatouillement de la pierre tombale jusqu'au caressement de celle-ci, c'est tout de même pas anodin, c'est une clinique très particulière. Là. Je veux bien qu'on soit engagé comme ça dans la frappe, en biais ou à plat, que ça ait une incidence de réfléchir à tout cela sur les troubles musculo-squelettiques, mais est-ce qu'au-delà de ça, il est mené une réflexion sur... l'enjeu même du métier, est-ce que aussi, autre question annexe, est-ce que vous, vous réfléchissez aussi par rapport à tout ce qui est en ce moment qui est très médiatisé, et heureusement, sur la souffrance au travail, et les histoires de prise, des choses comme ça qui peuvent se jouer aussi dans d'autres contextes difficiles à pénétrer. Monsieur ? Je m'intéresse à la compétence. J'ai suivi le terme d'ailleurs quelque chose sur la compétence, la gestion par les compétences. Et on définit souvent la compétence par un assemblage de savoir, savoir-être. Là, ce que j'entends dans votre intervention, c'est que finalement, grâce au contexte de controverse et à l'empathie, on a une élévation en compétence. Est-ce que c'est ça qui est sous-jacent aussi dans votre intervention? Et à contrario, s'il n'y a pas de montée en compétence, est-ce qu'on peut dire que la source, c'est qu'il n'y a pas eu l'empathie entre les deux? Est-ce que c'est possible? Vous voyez, votre exposé soulève énormément de questions. J'aurais bien ajouté une autre. Parce que je me demandais si vous parliez finalement de l'empathie ou de l'imitation. Parce qu'au fond, dans l'artefact que vous mettez en place, vous leur demandez s'imiter l'un l'autre. Et ils s'imitent l'un l'autre en imitant le grand Alain. Donc c'est des espèces d'imitations en cascade. Enfin, bon, vous avez 30 secondes pour répondre à toutes les questions. Voilà, on avait hésité à en montrer un. Il faut répondre. Il faut répondre. Ah oui. Peut-être. Allez, je me lance dans la dernière. Et puis, je vais essayer de faire quelques liens. Effectivement, on n'utilise pas non plus, si on n'utilise pas le terme d'empathie, on n'utilise pas non plus le terme de compétence. Voilà. Pourquoi ? Je vais le dire de manière très rapide, donc très tranchée et de manière un peu provocatrice, si vous me permettez. La compétence étant considérée aujourd'hui, malgré son histoire, le développement des compétences dans le milieu professionnel a une histoire. Je ne reviendrai pas dessus, mais n'empêche qu'aujourd'hui, la compétence telle qu'elle est envisagée est un invariant individuel qui se construit, ou plutôt dont l'auteur devrait en avoir un usage a priori. Or, le métier tel qu'il est, le métier, de mon point de vue, peut avantageusement remplacer le terme de compétence, parce que justement le métier en termes, ce qui me permet de répondre à la question du métier, c'est à la fois la dimension transpersonnelle ou transindividuelle. Le transindividuel renvoie plus à, comme il était déjà utilisé par Simondon, donc du coup il faut être prudent, on parle de transpersonnel, mais aussi le métier, c'est aussi il a une dimension évidemment très personnelle parce qu'il est toujours porté par un sujet. On l'a vu, le travail est toujours interpersonnel. Et aussi, bien sûr, le métier est en rapport direct avec ce qu'on appelle l'impersonnel, c'est-à-dire ce qui est le plus détaché du sujet, ce qui est le plus à l'extérieur de lui, c'est-à-dire les prescriptions proposées par l'organisation du travail et les possibilités que le sujet a de se déplacer à l'intérieur, par exemple, d'une trajectoire professionnelle. Bon. C'est ça le métier. Et du coup, effectivement, le métier, il est à la fois du côté du donné, pour répondre à votre question, et à la fois du côté du créé. Du coup, si on regarde bien le métier du côté de... tel que je viens de le définir par rapport à la compétence, et si on regarde de près le débat médiatique d'aujourd'hui, nous, on serait plutôt du côté, enfin, plutôt moi, je ne vais pas engager mon collègue, mais du côté, non pas de la souffrance au travail, mais de la souffrance du travail, c'est-à-dire de la santé des professionnels. Du coup, le contenu, je laisserai mon collègue en parler parce qu'il vient de me faire un signe, je pense que c'est très sérieux. Bon, c'est pas que c'est très sérieux, c'est que on n'a pas trop de temps. Voilà. Ça me permet de boucler sur la souffrance. Mais je voulais, je voudrais mobiliser Louis Le Guillan, qui est quand même père fondateur de la psychopathologie du travail, L'un des pères fondateurs de la psychopathologie du travail, et qui disait ceci, à trop s'intéresser aux conditions de travail, du point de vue externe, on en oublie l'essentiel, le travail lui-même. Or, dans ce qui nous anime, c'est quand même la fonction psychologique du travail. Alors, c'est court, ça va un peu rapide, il faudrait qu'on ait le temps d'en discuter, mais j'ai pas trouvé mieux pour... voilà. C'est pas mal. Quant à l'empathie... On verra une autre fois. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci.